En Corée, le séminaire national sectoriel consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'université Kim Il-sung a eu lieu le 20 et 21 courants dans cette école. Y en prépare les cadres, enseignants et chercheurs de plus de 80 établissements des sciences et de l'enseignement, notamment l'université Kim Il-sung, l'Académie nationale des sciences, l'Académie des sciences sociales, l'université de technologie Kim Tse. Répartis en soixantaine de commissions, les participants ont présenté un millier de thèses expliquant et attestant profondément la grandeur sans pareille et les espoirs des grands leaders Kim Il-sung, Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un et de dissertations susceptibles de contribuer à l'éducation d'une puissance scientifique et technique.